Elle me saoule dans la nuit de ses discours sous son soleil rempli d'algues. Nous nous regardons comme deux étoiles perdues dans l'océan rempli de cadavres de rois. Tout au long de son absence, je ne vivais que de ma souffrance, ce qui m'obligeait à mendier tout ce que je voulais donner. Tout ce que je voulais donner. Un berger qui s'approche, qui vient nous raconter l'histoire d'un loup qui n'a jamais voulu exister, car il aurait fallu qu'il naisse sous un tout autre aspect. Tout au long de son absence, je ne vivais que de la souffrance, ce qui m'obligeait à mendier tout ce que je voulais donner. Comme un serpent sans venin, ce robuste enfant grandira, ne sachant plus très bien où il va. Il voguera au-dessus des ravins avec la volonté d'un aveugle. Comme l'amitié d'une solitude, pouvoir la regarder en face, comme une compagne qui nous met toujours à l'abri des tempêtes et du vent, comme un roi dans sa forteresse. Tout au long de son absence, je ne vivais que dans la souffrance, ce qui m'oblige à mendier tout ce que je voulais donner. Je le revois devant sa porte, ouvrant ses bras devant sa force, comme un homme qui a vécu sans se retourner. Et j'aurais voulu qu'il m'apprête à la toucher, à l'apprivoiser. Tout au long de son absence, je ne vivais que dans la souffrance, ce qui m'obligeait à mendier tout ce que je voulais donner, tout ce que je voulais donner.